Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires, que tu sois de la genre humaine ou féline ou crétine. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo plus marre. Je suis pas fatigué, mais Victor, tu voulais qu'on filme depuis le lit. J'espère qu'on ne te voit pas. Tic, tic, tic, tic. Ah, on voit un petit peu. Allez, cache ta tête. Ouais. Bon, alors aujourd'hui, de quoi on va parler, monsieur, madame, personne non binaire? Eh bien, on va parler, on dirait presque un nom entier. En fait, c'est juste une seule personne. Je vous présente monsieur, madame, personne non binaire. Oui, voilà. Eh bien, on va parler des expériences que tu peux faire avec ton personnage. Souvent, on se dit un personnage, c'est juste, tu vois, une sorte, d'artefact pour jouer à la partie, pour expérimenter le scénario. Mais je pense que si tu réfléchis juste 30 secondes, tu te dis ouais, mais en fait, mon personnage, ça peut aussi être en fait en lui-même le but principal du jeu de rôle. Ce n'est pas forcément de vivre l'aventure, mais d'incarner ce personnage. C'est ce personnage qui va m'intéresser. Et c'est essentiellement en l'incarnant que je vais expérimenter des trucs, tenter des trucs, tu vois. Donc on n'est pas forcément aussi dans le truc de jouer, mais plus dans le truc d'expérimenter, vivre des choses différentes, apprendre des choses sur soi, sur les autres. Alors, je vais te donner des exemples, hein, parce que c'est un petit peu moins nébuleux. Moi, par exemple, si tu veux, je voulais expérimenter une philosophie qui est quand même assez particulière, assez radicale même, c'est le stoïcisme. Bois, est-ce que tu connais, est-ce que tu sais c'est quoi le stoïcisme? Je vais te cacher derrière ce cochon. Mais le stoïcisme, en fait, c'est une philosophie qui consiste à essayer de contrôler ses émotions, ne pas être sous l'emprise de ses émotions, tu vois. Donc un truc un peu froid, un peu austère, quoi. Un truc de tchat, quoi, en gros, hein. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai incarné un personnage dans une partie qui était stoïcisme, mais à vraiment à 10 000 %. Je voulais voir un peu ce que ça faisait si on appliquait la logique à fond, quoi. Évidemment, je pouvais pas le faire dans la vraie vie. Alors, le stoïcisme, hein, c'est quand même, si tu pousses les manettes à donf, c'est assez difficile, voire même pas forcément pertinent, tu vois. Et donc, en faisant avec le personnage, j'ai pu apprendre des choses, effectivement, sur qu'est-ce que c'était le stoïcisme, quel but on pouvait avoir dans la vie quand, en fait, eh bien, on ne se laissait pas gouverner par ses émotions, on pardonnait forcément, du coup, les offenses qu'on avait eues. Et notamment, j'avais un personnage qui était censé avoir subi beaucoup d'outrages, mais en fait, en vrai, il voulait pas se venger parce que pour lui, c'était du passé. En fait, ça lui faisait plus mal, quoi. Et donc, à la fin, il agissait pas par vengeance, mais juste par esprit de justice, ce qui était drôlement différent, en fait, dans ses motivations. Voilà. Pareil, en ce moment, je fais une campagne de cops, ce qui est super intéressante, où, du coup, je joue un flic qui est quand même super, super axé, tu vois, un peu sur la justice. Et hop, prépare-lui, parce qu'il va bientôt en avoir besoin, quoi. Mais en même temps, il se retrouve très rapidement à devoir un petit peu dépasser la ligne grise, quoi. Pour pouvoir rendre cette justice, il va être obligé de faire des trucs, ben, totalement illégaux, quoi. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point il va essayer de pousser cet engagement, de voir jusqu'où il va aller, tu vois. En restant intègre dans sa tête, mais totalement borderline dans l'aspect du règlement, quoi. Donc il y a plein de dilemmes moraux, c'est super intéressant. Tu peux aussi utiliser ton personnage pour faire des expériences autour du genre ou de la sexualité. Ça peut notamment t'apprendre à gérer l'homophobie. Donc moi, ça m'est arrivé d'incarner un personnage homosexuel dans une partie de jeu de rôle et il y avait de l'homophobie dans le scénario et du coup j'ai appris que je ne gérais pas du tout bien l'homophobie, donc vraiment ça me plaisait pas du tout. Donc voilà, j'ai pu vivre un petit peu voilà ce qu'on pouvait vivre quand on était ciblé par ça quoi. Ce qui était pas facile. Tu peux aussi incarner tes ombres, en fait, ta part sombre, ta part ou ta part enfouie. Il va y avoir une vidéo sur le sujet, t'inquiète pas. Tu peux aussi, dans un esprit un peu gestalt, un petit peu catharsis, incarner des membres de ta famille pour essayer de les comprendre et tout. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté, par le personnage, d'autothérapie, tu vois, d'approfondissement de soi. Par exemple, dans un GN, j'avais joué un personnage qui était victime, en fait, d'une maladie qu'il appelait la glaise et qui le plombait. Bon, en fait, grosso modo, c'était une façon d'interroger mes propres problèmes, quoi. Et donc, voilà, bon, ça m'a pas totalement bouleversé, j'ai pas été guéri du jour au lendemain de mes problèmes. Mais c'était intéressant par le personnage, parce qu'il combattait ce truc-là. Donc, oui, il pouvait dire, voilà, j'ai cette glaise qui me bloque et tout. Comment je la gère? Donc, c'était super bien. Et alors, bientôt passer au sponsor de cette vidéo. Ils sont très chauds. Ils sont très, très chauds, les lapins crétins, pour présenter le sponsor. Mais juste avant, il faut qu'on... Ouais, on va avoir ce débat sur pour ou contre informer la table, en fait. C'est que... Oh, alors, attention, là... tu utilises ton personnage pour expérimenter des trucs très intimes, des questionnements personnels. Est-ce que tu dois informer la table que tu es en train de faire ça? Moi, j'avoue, je suis plutôt, dans la plupart des cas, je suis team ne pas informer la table, parce qu'en fait, s'ils ne sont pas au courant que tu es en train, voilà, tu es en train d'expérimenter, ben, je pense que du coup, ils vont juste pas, personne ne sera choqué, blessé, tu vois. Si tu commences à dire tout de suite, ouais, je vous préviens ce soir-là, en fait, mon paladin, c'est vraiment un prétexte parce que j'ai vraiment des questionnements à creuser. Là, ça fout tout de suite une ambiance bizarre. Alors après, tu vas pouvoir informer si vraiment tu as un groupe où tu te sens méga en confiance et tu sais qu'on est prêt à aller dans ces trucs-là intimes, quoi. Sinon, garde-le pour toi et je pense que ça pose pas de soucis, quoi. Parce qu'en fait, en vrai, on le fait tous, c'est un petit peu le petit secret de Polichinelle, quoi. Et ouais, il est vraiment temps qu'on parle du sponsor de cette vidéo, le jeu vidéo, comment il s'appelle le jeu vidéo, Victor, le sponsor de cette vidéo? Lapin crétin plus La ma Gala. Super Mario. Et donc, ils vont dans la Ga. Laxi. Et donc, ils ont une super chanson. Tu crois que tu prêt, t'es prêt à les bouger? Il traverse la galaxie et relève tous les défis. Ils réussissent leurs aventures sans commettre aucune bavure. J'en prends un. Lapin crétin galaxie. Lapin crétin tous unis. Avec Mario et Yoshi, ils vont secourir Luigi. Ils sautent de planète en planète. Derrière, il y a tout. Y a tout qui pète, lapin crétin galaxie, lapin crétin tous unis, avec Mario et Yoshi, on s'en est déjà fait, ils affrontent tous les dangers, et derrière c'est toi qui dois ranger, ils surmontent tous les périls sans avoir l'air. Lapin crétin galaxie, lapin crétin tout se dit. Ils voyagent dans l'espace, même s'ils sont pas toujours très classe. Ils ont peut-être pas l'air fini, mais ils dépassent l'infini. Lapin crétin galaxie, lapin crétin. Tout se dit. Voilà, donc le jeu vidéo Lapin Crétin Galaxy, c'est vraiment à découvrir, ça sort très très bientôt. Il y a le code promo de 30% avec Outsider 666. T'es pressé de jouer à Lapin Crétin Galaxy? Oui. Oh oui, ça va être ouf, totalement ouf. Bois. Bois. Alors, autre truc, donc on peut expérimenter à travers son personnage, ça va être notamment... expérimenter la romance et tu vas particulièrement peut-être avoir envie de le faire si toi-même t'es déjà en couple et juste bah voilà entre guillemets t'as cette façon d'aller voir ailleurs, ça va être ça, expérimenter la romance en jeu de rôle bah juste pour un peu te changer les idées entre guillemets ou voire même tu vas expérimenter la romance pour combler une misère romantique quoi, c'est-à-dire voilà si t'es célibataire ou malheureux malheureuse en couple, et eh ben peut-être que voilà le personnage ça va être un exutoire pour soi, mais attention le consentement est très important déjà premièrement. C'est pas parce qu'une personne accepte de jouer une romance avec toi que, elle est open dans la vraie vie. Bon, on sait qu'il y a des trucs de bleed et tout, mais je pense que entamer une romance avec une autre personne, in character, bon, est-ce que c'est le moyen le plus legit pour draguer IRL? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Enfin, je pense que si tu entames une romance avec un personnage, je pense que le plus éthique, c'est de se dire, c'est juste in character, quoi. Ce n'est pas un moyen pour draguer IRL. Si tu veux draguer les personnes IRL, tu dragues la personne IRL, quoi. Passe pas par le personnage. Bon, après, bon, on sait qu'il y a des couples qui se sont créés à partir de ce genre de choses et tout, mais si, voilà, si c'est pas fait exprès, entre guillemets, ça passe, quoi. Et de toute façon, si la personne veut pas qu'il y ait une romance avec son personnage, bah, et voilà, il faut respecter. Victor, t'as une question. Vas-y, je t'écoute. Baba, qu'est-ce que tu veux dire? T'as oublié de faire Ouais, j'y viens. J'y pense très fort. Effectivement, il y a une petite galerie de personnages que Victor va présenter. Ça vient très très bientôt. À l'inverse aussi, tu peux au contraire utiliser ton personnage non pas pour expérimenter la romance, mais au contraire pour expérimenter l'aromantisme. Bah justement, ça peut être intéressant de voir c'est quoi un personnage qui n'est pas, voilà, qui n'est pas du tout dans ses délires de liaison romantique. Je te mettrai dans la description, il y a un guide d'interprétation pour un personnage aromantique et asexuel, qui est par Nadège, qui est vraiment intéressant. Alors, n'oublie pas que expérimenter via ton personnage, ça peut se faire par le multi, mais le solo aussi peut être une très bonne façon, voilà, d'expérimenter des trucs, bah, de façon un peu plus libre, un peu plus décensurée, quoi, hein. Bah, notamment, bah, ouais, pour expérimenter. Voilà. Et vraiment, ce qui est super, c'est qu'en fait, tu peux interpréter des personnes très différentes de toi, tu peux importer n'importe qui, tu peux vraiment interpréter tout type de personnages, des personnages petits. On a perdu. On a un personnage petit, mais il est tellement petit, on l'a perdu. Tu l'as trouvé? Voilà, tu peux interpréter des personnages petits, mais aussi des personnages gros. Voilà, les personnages gros. Tu peux interpréter des personnages gentils. Voilà, des personnages gentils, mais aussi des personnages méchants. Voilà, tu peux essayer plein de trucs, quoi. Et Tu peux avoir notamment, du ce que tu peux avoir envie, c'est de jouer une personnage, rat. entre guillemets, Tu peux avoir oui, bah, lui, c'est quoi? du rat, tu peux jouer un mouton. Tu peux jouer quelqu'un de noyé, Ouais, de jeune, de de jeune, vieux. Tu peux jouer une personnage de limitée, âgé. ou en de tu peux jouer un petit extraterrestre vert mignon. Tu peux jouer une personnage qui est limitée ou en situation de handicap, et ça, tu peux le faire soit comme un défi tactique. Voilà, qu'est-ce qui se passe si je joue à un combattant, par exemple, aveugle, ou comme un défi empathique, en fait. C'est-à-dire, je veux me mettre à la place, voilà, d'une personne en situation de handicap. Tu as, par exemple, le jeu 14 Days, où tu joues une personne qui est sujette à migraine chronique et qui doit gérer en fait son emploi du temps alors que bah elle a des slow, elle a pas beaucoup de cuillères quoi dans sa vie quoi. L'île Clairance parle du jeu de rôle comme et du GN comme anthropologie empathique, c'est-à-dire expérimenter la vie de l'autre en fait voilà de façon empathique à travers le personnage. Mais à l'inverse, tu peux jouer, plutôt que jouer une personne en situation de handicap, tu peux jouer une personne qui est puissante, ce que toi, tu n'es peut-être pas dans la vraie vie, tu vois. Donc là, tu vas viser plutôt un truc d'empouvoirement. Il y a un article qui s'appelle La création de l'aura, où on parle un petit peu ça, justement, de l'empouvoirement par le personnage. Mais tu peux jouer aussi un peu les deux. Il y a un jeu très intéressant de RL qui s'appelle Un mot pour moi, où tu joues une personne en situation de handicap. Il y a une première phase de jeu, si tu veux, où en fait, bah, du coup, comme tu es en situation de handicap, dans ta vie de tous les jours, tu vois, bah, tu as divers problèmes, quoi, comme le monde, le monde, la société est pas adapté à toi. Et en fait, dans la deuxième partie, ton personnage développe des super pouvoirs. Vraiment, il est omnipotent. La personne garde son handicap, mais elle est omnipotente par ailleurs. C'est-à-dire qu'elle peut. Et du coup, tu peux transformer les personnes ou le monde autour de toi pour s'adapter à ton handicap. Donc, tu démarres dans une situation de handicap et tu découvres une situation d'empuissantement. Donc, c'est vraiment intéressant, quoi. Pour finir. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Tu sais qu'il y a ici, il y a la place pour les gentils commentaires ou les méchants commentaires. L'important, c'est qu'on communique, qu'on échange. Et là-dessus, je te fais des gros bisous.